Donc, des livres qui appellent à la radicalisation, mais dans Absolument. Une bibliothèque au centre-ville de Montréal. Il y a comme un noyau de radicalisation. Est-ce qu'on exagère en disant qu'un creuset parfait pour une radicalisation de certains groupes musulmans en plein centre-ville de Montréal? C'est ça que tu es en train de nous expliquer, là. C'est exactement ce qui se passe, oui. Mais tu fabules pas, t'inventes pas ça, là. Ben, moi, je veux dire, on fait juste regarder qu'est-ce qui se passe dans les dernières années quand il y a eu... Et l'aumônier qui est... Il y a des aumôniers hein, dans l'université. Normalement, moi, je suis pas capable maintenant d'indiquer si oui ou non il est sûr, il a reçu un chèque de l'université ou non. Normalement, ils sont payés par les universités. L'aumônier, c'est Salah El-Maniawi. Hein? C'est un homme extrêmement controversé. Il y a un aumônier payé par l'université. Il y a un aumônier musulman payé par l'université. Normalement, les aumôniers le sont. Ça va bien, la gestion des universités, Marc? Ça va très bien, mais ça, c'est je suis quasiment d'accord avec la classe. Moi, là, ça va prendre un maudit ménage. On va aller chercher un carré rouge. disons que c'est standard. Il n'y a pas juste des aumôniers musulmans, mais celui-là, c'est parce qu'il est controversé. Puis il y a un historique de radicalisme. Ça donne qu'il n'aime pas les femmes? Pardon? Ça donne qu'il n'aime pas les femmes? Ben, tiens avec du monde qui disent quoi faire avec les femmes, effectivement, dont on parle du droit débattre, oui. Et c'est El-Maniawi a promu la charia. Et la personne qui voulait, en qui il voulait se référer, l'exégète, le savant de l'islam auquel il voulait s'exéger pour traiter des questions de l'application de la charia, par exemple, au Québec, c'était Youssef Karadawi. Ça, c'est un homme qui incite les musulmans à développer des ghettos, conquérir l'Occident, mutilation des jeunes femmes, tuer ceux qui quittent l'islam. Il a déjà dit que Hitler était un envoyé d'Allah pour punir les Juifs, puis il a déjà déclaré que le rôle de la mosquée, c'est un rôle politique. Bar ouvert. C'est un bar ouvert. C'est incroyable. Qui se passe à Concordia? Et le doyen ou le recteur de l'université, ça a-tu l'air à le déranger? Ben, en fait, quand il y a eu, vous vous souvenez à peu près... C'est sûr que s'il hausse le ton un petit peu trop... ça donne que c'est le genre de gars qui aime ça quand son char part. Ouais, quand il fait partir son char, il aime ça rouler tranquillement dans sa voiture sans que sa voiture saute au prochain coin de rue. Là. Probablement. Aussi, là. Et le 15 000 $ qui était donné pour le lieu de culte qui était à l'extérieur avait été stoppé parce que il y avait le projet de grande mosquée qu'on avait parlé tantôt. Quand le projet a été aborté, parce que le ministère de la Culture et des Communications avait coupé l'herbe sur le pied du Muslim Community Center, là, qui fait partie du regroupement qui voulait avoir cette grande mosquée-là. Ouais. Suite après donc la coupure, dès qu'on a découvert qu'il n'était plus pour avoir le projet de grande mosquée, Madame Christine Mota, la porte-parole, avait été proposée à l'Association musulmane de Concordia de les aider encore une fois, de les refinancer leur lieu à l'extérieur. Puis qu'est-ce que ça a donné en terminant? Ben, je pense que, à ce que je sache présentement, je pense que le financement a toujours lieu. Il y a des gens qui vont, c'est dans le ce qu'on appelle un lieu, c'est un lieu patrimonial, là, le centre des francs-maçons, là, au coin de la rue Sherbrooke, là, en face du grand séminaire. Et on voit le vendredi qu'il y a énormément de personnes qui pratiquent l'islam, là, qui sont autour du centre.